Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. Et il reste un petit quart d'heure à Futur Simple et un petit quart d'heure pour visiter les terrains contaminés du Québec et surtout leur gestion. Alors, c'est le sujet de Pierre-Olivier Desmarchais. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour. Alors, Pierre-Olivier, en fait, cette visite que tu nous proposes fait suite à un bilan qui vient d'être émis par le MDDEFP, c'est-à-dire le ministère du Développement durable de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Oui, en fait, c'est le 11 avril dernier que le ministère a publié le bilan sur la gestion des terrains contaminés, qui constitue en fait, François, une mise à jour des principaux éléments analysés et diffusés dans le dernier bilan qui datait du 1er février 2005. OK, donc une mise à jour là, qui s'imposait là. Exactement. Donc, rappelons brièvement que la gestion des terrains contaminés constitue un enjeu particulièrement important pour le ministère depuis, je dirais, 1983, qui est la date à laquelle le gouvernement avait mis sur pied le groupe d'études et de restauration des lieux d'élimination des déchets, qui a permis de réaliser enfin un inventaire des dépôts de résidus industriels au Québec. Donc, en fait, à cette époque, c'était sans doute le vestige de l'ère industrielle et il fallait absolument régler la situation parce qu'on s'était développé d'une manière qui, bien entendu, on ne connaissait pas les risques de nos agissements. Un peu anarchique. Là. Exactement. Donc, s'en est suivi des modifications apportées à la loi sur la qualité de l'environnement qui est le cadre principal, la loi cadre qui vise la protection de l'environnement au Québec. Et ensuite, de l'adoption du règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains ainsi que les politiques. Alors, soulignons également que le gouvernement comptabilise annuellement dans son budget un passif environnemental relatif aux coûts liés à la réhabilitation des terrains contaminés, dont il a la responsabilité et de ceux dont il est probable, si on veut, qu'il en aura la responsabilité dans le futur. Alors, en mars 2012, alors dans la dernière mise à jour budgétaire, un montant de 3 145 millions de dollars a été inscrit pour environ 2000 terrains répertoriés. Donc, il s'agit bel et bien, en fait, d'une problématique environnementale qui coûte cher au gouvernement et à la société en général. Et n'oublions pas aussi qu'un terrain contaminé peut avoir un impact important sur l'aménagement des territoires et poser, bien entendu, des problèmes ou du moins favoriser l'étalement urbain. Est-ce que j'ai un exemple à donner? En fait, c'est pas un exemple qui est très scientifique, mais après avoir parlé avec un professeur expert sur le sujet au niveau juridique, il m'avait donné un petit truc, en fait. Il dit, lorsque tu te promènes en ville, dans un quartier urbain à forte densité, et que tu tombes sur un terrain qui est abandonné et on comprend pas, des fois ça arrive, on se dit, mais pourquoi ce terrain-là, il n'y a pas une bâtisse? Bâtisse commerciale. C'est ça. Quoi qui est désaffecté, en fait. Donc, c'est souvent parce que le terrain est contaminé et que personne veut s'en occuper. Parce que, bien entendu, il y a des obligations légales autour d'un terrain contaminé. Donc, et à Québec, par exemple, j'ai l'exemple du projet de l'amphithéâtre. Oui. Qui est également intéressant. Projet d'actualité, là. Oui, c'est ça. Alors, si on se rappelle, les plans initiaux prévoyaient la construction de la bâtisse sur le bord de l'autoroute. Mais après des études de caractérisation des sols, la ville avait décidé, en fait, de changer l'emplacement de l'amphithéâtre, étant donné que les sols du projet initial était contaminé. Surprise. Oui, exactement. Puis, rappelons qu'à cet emplacement-là, c'était dans au niveau historique, il y avait un incinérateur à Québec. Donc, c'était sans doute un lieu d'enfouissement, ou du moins, on pouvait installer mettait les déchets là en attente d'être. Mais sur le bord de la rivière, surtout, il y avait beaucoup d'usines aussi déjà d'établies. Exactement. Donc ça fait partie un peu des exemples où les coûts de décontamination, la ville avait dit que ça coûtait environ 30 ou 40 millions de dollars et on a décidé de déplacer l'amphithéâtre au lieu de décontaminer les sols. Donc, je trouvais ça un peu dommage. En même temps, je me disais que c'était peut-être l'occasion de les décontaminer tout de suite et ne pas laisser ça aux générations futures. Et à Montréal, l'autre exemple qui m'apparaît également important, c'est bien entendu le site du Technoparc qui est situé sur les abords du fleuve Saint-Laurent, entre les ponts Victoria et Champlain. Bref, j'irais même à penser à Montréal, je me pose des questions, savoir sur le bord du fleuve, souvent c'est pas développé, c'est même abandonné, donc ouais, c'est triste. Et logiquement dans une ville, on devrait s'imaginer qu'il y aurait des habitations là ou du commerce, je veux dire, ou des accès au fleuve. Ben oui, ou une promenade, oui, en effet. Donc ce sont souvent des petits indices et il faut bien entendu régler le problème, selon moi, si on veut s'inscrire dans une perspective de développement durable et ne pas laisser ça aux générations futures. Et d'ailleurs, on a entendu aussi récemment la CAQ proposer son plan d'action où il est question, entre autres, de décontaminer les rives pour en tirer un meilleur parti. Oui, exactement. Mais revenons au MDDEFP. Comment obtient-il ces informations, ces renseignements sur les terrains contaminés? Oui, en fait, le ministère utilise le système GTC qui signifie gestion des terrains contaminés afin de compiler les informations générales et techniques portant sur les dossiers des terrains, les sols contaminés. Donc, bien entendu, il ne s'agit pas d'un inventaire qui est exhaustif de la situation au Québec, mais bien d'une compilation des cas qui sont portés à l'attention du ministère, donc qui sont déclarés. OK. Mais qui écrit dans ce système et selon quels critères les sites sont inscrits? En fait, qu'est-ce qui fait foi du niveau de contamination? Bon, premièrement, pour les sols, il faut produire un certificat d'analyse, une déclaration attestant que le sol présente une contamination supérieure au critère B. Donc, le champ d'application du critère B qu'on retrouve dans la politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Alors, c'est lorsque la limite acceptable pour des terrains à vocation résidentielle, récréative, institutionnelle, ainsi que les terrains à vocation commerciale situés dans un secteur résidentiel sont atteints, voire dépassés, en fait. Et c'est, bien entendu, dans la politique, on retrouve une liste de contaminants, là, et avec des seuils. Donc, c'est ce qui permet... les classer soit A, B ou C. Là. Exactement, c'est ça. Et lorsque le volume, l'autre condition, c'est lorsque le volume de sol contaminé dépasse 15 mètres cubes pour un seul déversement. Ah, OK. Tandis que l'inscription au système est facultative pour les cas de 1 à 15 mètres cubes et pour les déversements multiples cumulant plus de 15 mètres cubes. Et pour le cas des eaux souterraines, il faut également produire un certificat d'analyse des eaux montrant un dépassement des seuils, comme dans l'exemple des sols là, qui dépassent ceux de la politique de protection des sols, de réhabilitation des terrains contaminés. OK. Et selon le bilan, en fait, combien est-ce qu'il y a d'inscriptions de sites contaminés? Oui, bien, en fait, on apprend que le nombre d'inscriptions au cours des dernières années a été relativement stable avec une moyenne de 364. Alors, le phénomène des terrains contaminés, on ne peut pas en fait en tirer des conclusions en disant que c'est un phénomène qui est exponentiel. OK. Donc, mais c'est une bonne chose. Hein? Ben oui, non, c'est une excellente nouvelle, en fait. Sauf que n'oublions pas quand même qu'on n'a pas toute la situation, selon moi. Là, c'est ça. Ils sont encore là, contaminés, ces 300. C'est déjà beaucoup, là. Exactement, c'est ça. Alors, au 31 décembre 2010, 8334 inscriptions étaient associées à 7812 terrains au Québec. Donc, cela signifie que certains terrains sont affectés par plus d'un problème de contamination des sols ou des eaux souterraines. Okay. Alors, la répartition géographique des dossiers de terrains contaminés dans le bilan est basée sur les 17 régions administratives du Québec. Et c'est les régions de Montréal et de la Montérégie, donc qui se retrouvent sur la rive sud de Montréal, qui compte à elle seule 45% des inscriptions, donc pratiquement la moitié au Québec. Alors, un dossier, par exemple, est considéré comme étant fermé dans le système lorsque les objectifs, bien entendu, environnementaux visés ont été atteints et que la mesure de mitigation a été réalisée. Donc, en 2010, le pourcentage des dossiers fermés était de 50%. Et parmi, en fait, on dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inscriptions, effectivement, 8334. Qui, en fait, sont les propriétaires de ces terrains contaminés, de tous ces terrains contaminés? Alors, depuis la toute première compilation du ministère sur les terrains contaminés en 1991, la proportion entre le nombre de propriétaires de terrains contaminés provenant des secteurs publics et privés demeurait sensiblement la même. Donc, on parle d'un ratio de 1 pour 4. Et selon la répartition en pourcentage des différents types de propriétaires en date du 31 décembre 2010, on apprend que 78% des inscriptions proviennent du secteur privé, alors que 22% est pour le secteur public, qui inclut bien évidemment le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les municipalités. Et quels sont les éléments déclencheurs des interventions du ministère dans tout ça? Ah oui. Alors, en premier lieu arrive la manifestation d'impact négatif sur l'environnement ou la santé. Okay. Donc, c'est le premier critère, le premier élément déclencheur, si on veut. Qui est très important. Là. Oui, exactement. Donc, ensuite, on a le remplacement de réservoirs souterrains. Donc, j'imagine, ça cible directement les produits pétroliers. C'est un fait. On retrouve également les situations problématiques comme les déversements, également les plaintes et le changement d'utilisation de vocation d'un terrain. Donc, bien entendu, quand on commence à creuser, on a souvent des surprises. Oui, c'est un fait. On s'aperçoit que c'est contaminé puis finalement, on ne peut pas construire des condos dessus, hein, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Le bilan doit aussi donner des informations sur la nature des contaminants, j'imagine. Oui, donc avec près de 65%, la catégorie des hydrocarbures pétroliers est la plus représentée dans le bilan. Par la suite, on retrouve la catégorie des métaux, les hydrocarbures aromatiques monocycliques et polycycliques, et enfin, les fameux BPC. Alors, le bilan mentionne aussi qu'on peut trouver dans une proportion inférieure à 1%, par exemple, des pesticides, des dioxydes et furanes. L'autre élément que j'aimerais souligner concernant les terrains présentant une contamination des eaux souterraines, alors sur les 8334 inscriptions de terrains contaminés au système, 25% indiquaient une contamination des eaux souterraines. OK. Tu parlais de fermeture d'un dossier quand des mesures de mitigation sont réalisées ou que des objectifs environnementaux sont atteints. Ça veut dire que les propriétaires mettent en œuvre des techniques de réhabilitation, en fait? Quelles sont ces techniques? Oui, en fait, pour chaque inscription au système, le ministère a la possibilité de préciser quelles sont les techniques utilisées dans la réhabilitation du terrain ou de la gestion des sols excavés. Okay. Alors, les techniques ont été regroupées pour montrer... ont été regroupées sous différentes catégories. Donc, premièrement, la catégorie du traitement, ensuite l'enfouissement et la valorisation. Alors, soulignons que l'enfouissement a été de loin la technique de réhabilitation la plus utilisée avec 62% des inscriptions, suivi par le traitement avec 33%. Et j'aimerais peut-être mentionner que dans cette catégorie du traitement, c'est la bioventilation ainsi que le traitement biologique qui représentent les techniques les plus utilisées. Okay. Et finalement, pour le reste, on parle de valorisation des sols dans les lieux d'enfouissement sanitaire ou technique. Et comment sont gérés ces sols contaminés? Oui, alors, soulignons que depuis l'adoption en 2001 du règlement sur l'enfouissement des sols contaminés, il y a eu une baisse considérable des quantités de sols enfouis. Donc, c'était, somme toute, une bonne nouvelle. En fait, une grande partie des sols était redirigée vers les centres de traitement. Oui, parce que quand on les enfouit, ils ne sont pas traités. Là. Exactement. On déplace le problème si on veut un autre endroit. Alors, la proportion des sols traités est passée de 40% en 2000 à 80% en 2005, mais bien entendu, elle a rediminué à 61% en 2010. Et selon le ministère, cette diminution est principalement attribuable à la hausse considérable des quantités totales des sols enfouis à partir de 2006. Donc, selon moi, à cette époque-là, c'était l'enfouissement demeure quand même une solution qui est économiquement. Mais j'aimerais juste terminer en disant que en 2003 et 2010, 77 ans ont fait l'objet d'une réhabilitation des sols et ont utilisé le traitement qu'on appelle in situ, donc sur place. Oui. C'est dans les régions de la capitale nationale que la technique a été la plus utilisée. Et bref, c'est souvent utilisé lorsque les sols contaminés sont difficilement accessibles. Donc, on les traite sur place et je pense que c'est une voie devrait être privilégiée dans l'avenir afin d'éviter le transport et les risques de... Et aussi d'autres émissions de gaz à effet de serre. Exactement. Donc, si on est capable de régler le problème sur place, faisons-le. Merci beaucoup, Pierre-Olivier, de nous avoir fait un compte-rendu de ce rapport. Avec plaisir.